Notre civilisation atteint son apogée. Le monde que tu connais est amené à s'écouler. On part à la dérive, le bateau va couler. Tout le monde le sent, tout le monde le voit, tout le monde l'entend, tout le monde le sait. Prépare-toi à affronter l'époque la plus sombre. Reste auprès des tiens dans le tunnel de la pénombre. Y'a plus de soleil, la cupidité fait de l'ombre. Restez solitaire, la force est dans le nombre. Le nouvel ordre mondial pour le contrôle des masses. T'étonnes pas que la police avec froideur tabasse. Y'a plus d'humanité, société vampirisée. McDonald's, OGM, télé-réalité. Cancer à tour de bras, obligation d'être vacciné. Bus numérique, contrôle d'identité. Mensonges, détournement, crime et corruption. La calotte glaciaire fond, on continue la pollution. Fin 90, je sentais le vent venir. Jeter l'odeur du sang dans la bouche des vampires. Depuis les 30 glorieuses, on a détruit l'environnement. Les dirigeants experts du détournement. L'ennemi public numéro 1 s'appelle gouvernement. On t'avait prévenu et regarde maintenant. Tu as cautionné à chaque bulletin dans l'urne. À quoi bon protester, ils te tiennent par les purs. Derrière l'éclipse, l'apocalypse. Une plaie ouverte sans cicatrice. On tue, on pille pour de la poussière. Un agonise entre terre mer. Ce jardin, un paradis. Bienvenue en fer, voix aujourd'hui. Sous les mensonges et le déni. Après le chaos, vient l'harmonie. Les multinationales ont pris possession du monde à l'aide de scientifiques et de leur morale immonde. Xénophobie sur fond de misère humaine. Douleur, souffrance, indifférence des peines. Jalousie, mépris sont les valeurs d'aujourd'hui. Violence, insulte, promotion du déni. Les plus bas instincts dans le tube cathodique. Leur plan d'action, musulmans versus catholiques. Enfants soldats sous décor chaotique. Monopole des médias, interdire toute critique. Une poignée de milliardaires dicte la politique. Faites des prières depuis que Dieu c'est le flic. Conséquences, réchauffement climatique. Guerre, génocide, exploitation économique. Trafic d'organes, d'enfants et narcotiques. Sous couvert d'intérêts géopolitiques. Époque où le racisme est coté à l'arcus. La police t'enfonce des matraques dans l'anus. Tu peux manifester mais sache que les keufs tuent. Effleure un PDG et là tout le monde se rue. Quel que soit le milieu, chacun devient fou. Soit tu obéis, soit tu finis au fond du trou. C'est le règne de la division des masses. Travail, bouffe, baisse et termine à la casse. Derrière l'éclipse, l'apocalypse. Une plaie ouverte sans cicatrice. On tue, on pille pour de la poussière. Un agonise entre terre mer. Ce jardin, un paradis. Bienvenue en fer, voix aujourd'hui. Sous les mensonges et le déni. Après le chaos, vient l'harmonie. Derrière l'éclipse, l'apocalypse. Une plaie sans cicatrice. On tue, on pille pour de la poussière. Un agonise entre terre mer. Ce jardin, un paradis. Bienvenue en fer, voix aujourd'hui. Sous les mensonges et le